La fosse de Salerne par Paul Lacroix. En 1822, on m'écrivit de Naples qu'une grande éruption du Vésuve se préparait. Je laissais là mes livres et mes études pour partir sur le champ et me rendre sur le théâtre de l'effrayant spectacle qu'on m'annonçait. J'avais toute ma vie désiré d'en être témoin, et je ne me consolais pas d'être revenu plusieurs fois d'Italie sans avoir eu le bonheur de le rencontrer. La lecture des descriptions de ce terrible phénomène m'exaltait l'imagination, et la mort de Pline l'Ancien, victime d'une curiosité analogue à la mienne, n'était pas faite pour m'arrêter dans un projet formé de longue date. Quand j'arrivai à Naples, c'était le soir, je vis de loin la colonne de feu qui s'élevait au-dessus du cratère et dont la lueur rouge se reflétait à plusieurs lieues de distance. Je distinguais, en approchant de la ville, qui semblait illuminée comme pour une fête, le fleuve de lave ardente auquel les flancs entrouverts de la montagne avaient donné passage. J'entendais les détonations souterraines qui accompagnaient chaque jet de pierre et de cendre. J'étais même couvert de cette cendre légère que le vent poussait jusqu'à Naples, où l'effroi commençait à se répandre parmi le peuple. Je restai quelque temps à contempler, des hauteurs de Capodimonte, l'aspect général de l'éruption qui était alors dans toute sa force. J'entrai à Naples, que bien les gens se hâtaient de quitter dans la crainte de n'en pouvoir plus sortir, car la pluie de cendres et de pierres devenait de plus en plus abondante, et je ne songeais guère à m'arrêter dans un hôtel où le padrone m'offrit pourtant une chambre dont la fenêtre avait vue sur le Vésuve en me disant qu'il ne me la ferait pas payer plus cher qu'en temps ordinaire. Je demandai les chevaux pour aller à Resina, sans m'être reposé un quart d'heure, sans vouloir souper. « À Resina ?» s'écria l'hôte avec un étonnement qui fit bientôt place à l'incrédulité. « Votre Excellence n'ira pas à Resina, primo, parce qu'elle est trop sage pour courir à sa perte, secondo, parce qu'elle ne trouvera pas de chevaux ni de postillons pour l'y mener. Vraiment ? Quand je devrais faire la route à pied, j'irai cette nuit et j'espère bien monter au Vésuve. Oh ! Voilà une belle entreprise de Furia Francese. Savez-vous que depuis 2 jours, Resina, Torre del Greco et les environs sont déserts ? Tout le monde s'est enfui et le pays doit être englouti à présent sous la cendre et l'eau bouillante. Oh Dio ! Il faudrait avoir la puissance de Saint-Janvier pour s'avancer jusqu'à Portici. Croyez-moi, Excellence, logez ici et couchez-vous, je vous avertirai en cas de danger. Merci, je suis venu de Paris exprès pour voir l'éruption, et je la verrai le plus près possible. Tant pis pour vous, signore, si vous n'êtes pas plus prudent que cet enragé d'ermite qu'on a pu arracher de son ermitage. Il est sans doute en paradis à cette heure, comme vous serez à même de vous en convaincre. Justement, je vais d'abord m'installer à l'ermitage, et je vous rapporterai des nouvelles de ce brave ermite, qu'on supposerait averti de ma visite, puisqu'il a l'air de m'attendre. Avec de l'argent, on n'est en peine de rien. Je trouvai un cheval, et même un guide. L'hôte me dit adieu en hochant la tête et en haussant les épaules, comme si je devais me jeter la tête la première dans le gouffre du volcan. Je vis en effet sur mon chemin que la population partageait les terreurs de l'aubergiste napolitain. C'était un sauve-qui-peut général. Je rencontrai à chaque pas des bandes d'hommes et de femmes, emportant leurs hardes et leurs meubles les plus précieux, des convois de mulets et de voitures chargées de blé et de vin, des troupeaux de bœufs et de moutons. Tout le monde fuyait avec des signes muets de terreur et de désespoir. Je continuai d'aller en avant, les yeux fixés sur le Vésuve qui flamboyait au milieu des ténèbres, comme une fournaise gigantesque, et je n'écoutais seulement pas les exclamations de mon guide qui me suppliait, au nom de tous les saints du calendrier napolitain, de retourner à Naples. La pluie de cendres augmentait, mêlée de petites pierres brûlantes qui étaient trop légères, il est vrai, pour nous blesser en tombant. Nous sentions par moments de grosses gouttes d'eau tiède qui avaient eu le temps de se refroidir à 5 ou 6 000 pieds en l'air avant de nous arriver. Je me rappelais le déluge qui noya Pompéi, tandis qu'Herculanum disparaissait sous une couche de lave embrasée. Mais je remarquai aussi que la direction du vent envoyait dans la mer les scories que la montagne vomissait avec un bruit pareil à celui de 100 pièces d'artillerie. Je fus moins rassuré quand j'examinai la marche du torrent de lave qui descendait lentement du côté de Resina en dégageant des tourbillons de fumée. Une vapeur suffocante de soufre et de bitume m'empêchait par intervalles de boire et de respirer. « Où allez-vous ? » me cria le curé de Resina qui avait abandonné son église avec ses reliques et ses bases sacrées. « À l'ermitage, » répondis-je en ralentissant le trot de mon cheval. « Je crains qu'il ne soit difficile d'aller plus loin. » Vous n'y parviendrez pas. Heureusement pour vous, car le chemin est déjà intercepté par la lave. Peut-être pas encore. En tout cas, si je ne puis passer, j'en serai quitte pour revenir. Vous n'en reviendrez jamais, seigneur forestier, et vous ferez quarantaine en purgatoire, car c'est tenter Dieu que de braver un péril certain et inutile. Dans 2 heures, il n'y aura plus de trace de résine, hein. Voyez la lave. Bon voyage, Padre Sante, interrompis-je gaiement. J'ai prié l'ermite de m'attendre, et je ne lui manquerai pas de parole. L'ermite ? Reprit le prêtre en se signant. Dieu veuille prendre son âme en pitié. Il a voulu mourir puisqu'il est resté là-haut. Ne m'oublie pas aussi dans vos prières, dis-je en lui présentant une piastre, car j'aurai probablement le même sort que lui. Que le bienheureux Saint-Janvier vous ait en garde. Excellence, je vous crois français et catholique à votre langage, mais vous vous conduisez comme un Anglais. Le postillon qui m'avait accompagné jusque-là refusa de me suivre en disant que je ne le paierais point assez pour qu'il se décidât encore à mourir. Le cheval que je montais paraissait être de son avis et menaçait de s'en retourner malgré mes efforts à le faire avancer. Je ne m'obstinais donc pas à tenir tête à ma monture, à mon guide et au curé de Résina qui s'obstinait à m'emmener avec lui. Je mis pied à terre sans maudire et souhaitant le bonsoir à ceux que je laissais derrière moi, je m'acheminai seul vers l'ermitage dont je connaissais parfaitement le chemin. Ce fut en vain qu'on m'appela, qu'on me supplia, je ne voulais rien entendre, et je m'engageai dans les vignes de Résina sans tourner la tête. Quand les cris cessèrent, j'en conclus qu'on me regardait comme perdu et qu'on s'éloignait de peur de partager mon sort. Ma tentative, il est vrai, n'était pas des plus prudentes. Il ne fallait qu'un changement dans la direction du vent pour que je fusse écrasé sous les pierres, dont quelques-unes, capables de tuer un bœuf et de rompre le toit d'une maison, tombaient autour de moi. Quant à être enterré sous la cendre, je m'en souciais peu, me rappelant que le volcan n'avait pas même traité de la sorte Pline l'Ancien, qui fut étouffé par des exhalaisons sulfureuses et surtout par son asthme. La lave enflammée semblait suspendue au-dessus de la route que je suivais, et la fumée épaisse, qui sortait de ce fleuve de feu, m'enveloppait par moments d'un nuage opaque, à travers lequel je voyais à peine une grande lueur rouge qui me guidait dans l'obscurité. Enfin, je me trouvais si près de cette lave bouillante que mes vêtements faillirent prendre feu. Elle s'était arrêtée au bord du sentier que je devais traverser et elle pouvait à chaque instant continuer à couler. Je ne perdis pas une minute à délibérer, à hésiter, je m'élançai en courant, au risque d'être gagné de vitesse par la lave, et j'eus le bonheur d'arriver sain et sauf à l'endroit où le sentier ne présentait plus à gauche qu'un précipice, à droite un brasier prêt à faire éruption. Je ne tardais pas à me trouver en sûreté, sur le plateau où est bâti l'ermitage, plateau isolé de 3 côtés et presque à l'abri des coulées de lave qui, dans les éruptions, jaillissent des flancs de la montagne. Je crus apercevoir un homme debout, appuyé contre un des 3 ormeaux qui ont donné leur nom à cet ermitage, ou plutôt à cette auberge qui reçoit les voyageurs avant et après leur ascension au Vésuve. Mais, comme il était absolument immobile, je me persuadais que cet homme n'était autre qu'un poteau ou bien un tronc d'arbre brisé, et je ne m'en occupais pas davantage. J'allais droit à la maison pour me mettre aussitôt en bonne relation avec l'ermite et lui annoncer que je resterais en pension chez lui pendant tout le temps du phénomène que je venais observer. La porte était ouverte, j'entrai et ne vis personne. J'appelai, personne ne me répondit. Cependant, la lampe allumée et un souper frugal servi sur la table témoignaient de la présence de l'hôte qui ne devait pas être loin de là. Je m'assis et j'attendis. Personne ne vint. Je commençais à croire que l'ermite n'avait pas jugé que son séjour fût nécessaire dans son ermitage pendant l'éruption. Je pris la lampe alors, pour monter à l'étage supérieur et m'assurer que la maison était bien livrée à ma discrétion. Je visitai plusieurs chambres, en choisissant déjà celle que j'occuperais, et je reconnus enfin la cellule où couchait l'ermite. Il ne s'y trouvait pas plus que dans les autres. Un coup d'œil que je jetai dans cette chambre fixa mon attention sur un portrait de femme nouvellement peint, surmonté d'une couronne de cyprès desséchée. Ma première pensée fut que ce tableau représentait la Vierge ou quelque sainte du martyrologe, et je m'approchai avec cette curiosité d'artiste qui cherche un chef-d'œuvre dans la plus mauvaise peinture de cabaret. Je vis, au lieu d'une Madone ou d'une sainte couronnée de rayons, une délicieuse figure de femme, pâle, mélancolique, dont la beauté pleine de distinction me frappa plus encore que son costume de deuil accommodée au goût des modes françaises. La géologie n'avait donc rien à prétendre dans cette peinture qui semblait un peu dépaysée en ce pauvre gîte, aux murailles nues et délabrées, sans autre meuble qu'un lit formé d'une paillasse et d'une couverture. Je remarquai pourtant dans un coin des toiles, un chevalet, une boîte à couleurs. Cet attirail de peinture me fit supposer que quelqu'un était venu pour prendre une vue générale de l'éruption. J'étais redescendu dans la salle basse et je tenais encore la lampe en main quand l'ermite arriva du dehors. Nous poussâmes l'un et l'autre une exclamation de surprise, lui, stupéfait de voir un étranger installé chez lui, moi, joyeux de rencontrer enfin un être vivant. C'était un jeune homme dans la force de l'âge, mais sa maigreur et sa pâleur, l'altération de ses traits et la profonde tristesse de sa physionomie accusaient, sinon une santé perdue par les jeûnes et les macérations, du moins une consomption lente causée par des peines morales. Il y avait dans son regard et son sourire une expression de souffrance qui faisait mal à voir. Je tenais mes yeux fixés sur lui comme si je l'eusse rencontré ailleurs et que je cherchasse à rassembler dans ma mémoire les traits épars d'un souvenir effacé. Il me considérait aussi avec la même attention, et cet examen pensif n'était de sa part l'indice d'aucune défiance. Je ne reconnaissais pas en lui ce gros ermite, toujours buvant et toujours ivre, rançonnant les voyageurs et chantant les louanges de sa majesté l'Imperor, ermite d'auberge, que j'avais eu pour hôte à mes précédentes excursions au Vésuve. Ce noble jeune homme ne me paraissait pas fait pour vendre du vin de la Prima Christi aux touristes de l'Angleterre et de la Russie, car il n'avait de ses prédécesseurs que la robe de bure, qu'il portait néanmoins avec aussi bonne grâce que l'habit le plus élégant. Je ne doutais plus que nous nous fussions rencontrés ailleurs. « Hé, monsieur, que venez-vous faire ici ?» me dit-il en devinant que le désir d'admirer une belle horreur m'avait fait braver le danger. « Comment avez-vous pu passer ? La lave n'a-t-elle pas coupé la route ?»« Je ne regretterai pas la fatigue et le péril, » repris-je gaiement, « si l'éruption fait des merveilles pour moi. » « Vous êtes peintre, monsieur ?»« À peu près, je suis poète, c'est-à-dire que j'aime les grandes émotions qu'éveille le spectacle de la nature. »« Alors, monsieur, vous ne vous plaindrez pas de votre courageux pèlerinage. Venez, je vous servirai de cicérone. » Il marcha devant moi et alla se remettre en contemplation à l'endroit où je l'avais aperçu à mon arrivée. Je me plaçai à ses côtés, sur le bord du ravin au fond duquel la lave s'était creusé un lit de flammes et s'entassait en roulant des flots embrasés. Du poste élevé que nous occupions, le Vésuve nous apparaissait tout entier avec son panache de feuilles de fumée, qui s'étendait jusqu'à la mer et qui variait de couleur à chaque explosion. L'ermite et moi nous demeurâmes ainsi côte à côte le reste de la nuit, sans nous adresser la parole, si ce n'est pour nous communiquer nos observations et nos impressions mutuelles. Il me sembla que mon voisin avait souvent l'œil attaché sur la coulée de lave, que des larmes mouillaient ses paupières et que de longs soupirs soulevaient sa poitrine oppressée. Quand il fit grand jour, l'éruption avait perdu son caractère solennel et terrible. La lave ressemblait à un marais de tourbe, la flamme du cratère pâlissait aux rayons du soleil. L'ermite me proposa d'employer le jour à nous reposer pour être en état de veiller la nuit suivante. Avant de nous retirer dans nos chambres, je partageai le repas qu'il avait préparé pour lui. L'intimité s'établit à table plus vite qu'ailleurs. Il y avait entre nous une intelligence sympathique. Aidez donc ma mémoire, s'il vous plaît, lui dis-je en remplissant son verre. J'ai la certitude de vous avoir déjà vu. Moi ? S'écria-t-il en me regardant avec défiance. Vous avez voyagé en Italie ? Je pense que vous vous trompez. Non, répliquai-je vivement. Il y a des personnes, des lieux et des objets qu'on n'oublie pas. Je ne vous ai vu qu'une fois et pendant peu d'instants. Mais vos traits et le son de votre voix sont restés dans mon souvenir. « Vous vous trompez, monsieur, » me dit-il en baissant les yeux à un homme qui ne veut pas être reconnu. Il y a 4 ou 5 ans, je passais une semaine au monastère de la Cava pour explorer les précieuses archives qui y sont enfouies. Le jour de mon départ, la voiture qui devait me conduire à Naples était à la porte et je ne pouvais encore m'arracher de la bibliothèque. Enfin, je quittai les manuscrits et les bénédictins. Celui qui m'accompagnait m'invita en passant à entrer dans l'église où je n'avais pas mis les pieds. Je n'osais refuser par déférence et, pendant qu'il se mettait en prière à mon intention sans doute, j'examinais cette église, remarquable et ornée comme toutes celles de l'Italie. on restaurait une fresque dans une chapelle latérale. Le peintre travaillait sur son échafaudage élevé à 15 toises au-dessus du pavé. Dès que je jetai les yeux de ce côté, je m'aperçus que l'échafaudage menaçait ruine. Les étais avaient glissé et perdu équilibre. Les cordes qui les liaient entre eux s'étaient brisées et dénouées. « Signore, veni qui subito et parlami !» m'écriai-je. Le peintre se retourna, me regarda en silence et descendit lentement sans déposer son pinceau et sa palette. « Et vous m'avez sauvé la vie !» interrompit l'ermite qui avait eu peine à contenir son émotion, tandis que je lui rappelais un fait qu'il avait présent à l'esprit aussi bien que moi-même. « Je ne suis pas ingrat, » disait-il en m'embrassant avec effusion. « C'est le hasard qui vous a sauvé en permettant que je sois entré dans l'église à ce moment-là, » repris-je, charmé de la reconnaissance qui venait d'avoir lieu entre nous. « Vous n'étiez qu'à 10 pas de l'échelle quand l'échafaudage s'écroula tout entier avec fracas. J'eusse été écrasé sans votre avertissement, qui fut une grâce de la Providence. Mais peut-être aurait-il mieux valu que je périsse alors. « Vous êtes donc bien dégoûté de votre métier d'ermite ?» répliquai-je familièrement. « Pourtant, je vais avec plaisir que vous n'avez pas renoncé à votre art de peindre. »« Vous avez pénétré dans ma cellule ?» demanda-t-il en rougissant. « C'est un portrait exécuté de mémoire. » « La mémoire, en certaines circonstances, équivaut au modèle. »« M'apprendrez-vous comment le peintre s'est fait ermite ?»« C'est une histoire bien tragique et bien secrète. »« Je vous la conterai un jour. » « Reposons-nous d'abord l'un et l'autre, pour être en état de veiller la nuit prochaine, car je prévois que ce sera le plus beau de l'éruption, et je veux vous en faire les honneurs. » Nous avions soupé comme des gens plus fatigués qu'affamés. Nous nous séparâmes en nous souhaitant de pouvoir dormir au bruit du volcan qui ne s'apaisait pas. La maison tremblait sur ses fondements, et quelques pierres, égarées hors du nuage de matière volcanique qui était lancé du cratère à la distance d'une ou deux lieues, faisait brèche à la toiture. Je craignis un instant le danger que j'avais bravé, et j'allais entr'ouvrir la porte de la chambre de mon ermite. Il était en contemplation, en extase devant le portrait de femme qui lui servait de madone, et il ne m'entendit pas même avant que je l'eusse appelé par son nom, Lutoli. Il tourna vivement la tête et je vis que ses yeux étaient remplis de larmes. Je ne l'interrogeai pas sur la cause de ses pleurs mystérieux, et je lui fis part seulement de mes craintes. Il me rassura en m'expliquant la chute de ces pierres qui n'avaient endommagé que les tuiles, et il me démontra que la position de l'ermitage le mettait à l'abri des éruptions, sinon des tremblements de terre. Je me couchai presque tranquillisé, et je fus bientôt endormi malgré les secousses et les explosions du volcan qui me berçaient dans mon lit. Je ne me veillai que le soir. Le taulier était déjà depuis longtemps à son poste, assis au pied d'un des ormeaux que la chaleur des laves voisines avait dépouillés de leur feuillage. Il regardait fixement la scène imposante de l'éruption qui redoublait de violence. Mais ce n'était pas chez lui l'admiration d'un poète ou d'un artiste en présence d'une belle horreur de la nature. C'était l'émotion profonde d'une âme tendre qui se souvient. Il pleurait abondamment. Je fus touché de cette douleur, à laquelle je ne savais comment porter remède. Je m'approchai et lui pris la main, en lui adressant un regard de pitié et de sympathie. Il devina le sentiment que je lui exprimais dans ce regard et ce serrement de main. Il m'en remercia par signe et me montra, d'un geste désespéré, le torrent de lave qui s'était grossi depuis la veille et qui recommençait à couler vers la mer. « Vous pensez, lui dis-je, que vos amis de Résina ne vendangeront guère cette année et que cette lave sera stérile pendant un demi-siècle ?»« Je pense, » répliqua-t-il d'un accent sourd et brisé. Qu'elle est ensevelie sous une lave aujourd'hui éteinte comme elle. De qui parlez-vous? Demandai-je. Serait-il arrivé quelque sinistre événement dont vous fûtes le témoin? Oui, j'en fus le témoin et la victime. Voilà près de 3 ans que ce coup terrible m'a frappé, et il me semble que je vais le subir encore. Il se leva précipitamment, comme si la vision qui l'occupait sans cesse devenait une réalité, et il étendit le bras vers un objet qui n'existait que dans son imagination. Puis, ses bras retombèrent découragés, ses sanglots éclatèrent, et il revint prendre sa place en cachant son visage inondé de larmes. Je l'interrogeai alors pour connaître cette affliction secrète qui se traduisait par des accès de démence et qui puisait une nouvelle énergie dans le spectacle sublime et effrayant que nous avions sous les yeux. Il hésita quelque temps avant de m'ouvrir son cœur et il s'y décida enfin pour répondre à l'intérêt que je lui témoignais avec une sincère cordialité. J'avoue que ce récit, fait simplement vis-à-vis de ce volcan qui s'y trouvait mêlé, eut pour moi une éloquence et une poésie que je n'essaierai pas même de reproduire. Vous me laissâtes à la cabane, vivement impressionné par le danger que j'avais couru, me raconta-t-il, et surtout par la manière vraiment miraculeuse dont j'en avais été préservé. J'avais alors, monsieur, une de ces fermes et naïves dévotions conçues avec le lait de sa mère en Italie et qui sont peut-être prodigues de pratiques pieuses. Je crus qu'un pèlerinage m'acquitterait envers la Providence. Je suis né à Salerne, et mes parents, dans une grave maladie que je fis en mon bas âge, me mirent sous la protection d'une madone fort célèbre par ses miracles. Elle est dans le dôme de Salerne depuis plusieurs siècles, et l'on prétend que les Normands qui s'établirent en Sicile avec Robert Guiscard l'avaient apportée de leur pays où elle était déjà très vénérée. Vous souriez, monsieur. La vérité est que je guéris, contre les pronostics des médecins. Je ne vous rappellerai pas comment j'ai échappé à la chute imminente de mon échafaudage. J'ai la conviction que la Vierge des Normands vous envoya exprès à la Caaba pour me préserver du péril. Je me rendis donc à Salerne en costume de pèlerin, et je passai 2 jours en prière devant ma divine protectrice. Le second jour, je succombai presque à la fatigue, lorsque je fus tiré des idées religieuses qui m'absorbaient par la vue d'un être angélique que je crus voir descendre du ciel. C'était une femme, la plus charmante créature que l'imagination humaine put rêver, grande, svelte, noble dans sa démarche, élégante dans ses mouvements. Une figure céleste que Raphaël eût souhaité pour modèle. Des cheveux noirs et des yeux bleus, un sourire qui enivre, un regard qui entraîne, la beauté idéale, la perfection réelle. Je ne vous la peindrai pas avec des paroles. Vous avez vu là-haut son portrait. Je ne faisais encore que de l'apercevoir. J'ignorais encore qui elle était et je l'aimais déjà. Elle comprit le trouble qu'elle me causait et elle me le pardonna. Nous ne parlâmes sans nous connaître et j'appris de sa bouche, après lui avoir dit mon pèlerinage et quelque chose de ma vie, qu'elle était anglaise et se nommait Jenny Taylor, que son père l'avait emmenée en Italie avec un jeune homme qu'on lui destinait pour mari, Sir William Scombe, et qu'elle eût voulu trouver une madone assez puissante pour la sauver d'un mariage qu'elle redoutait plus que la mort. Je ne sais comment nous en vînmes à de telles confidences réciproques. Toujours est-il que nous étions en intelligence complète quand Sir Taylor, qui l'avait quitté un moment, rentra dans l'église. Elle n'attendit pas que je lui demandasse de me présenter à son père. Elle lui dit que je l'avais très obligeamment instruite de l'origine de cette vieille église, que je lui avais expliqué et décrit les nombreuses antiquités grecques qui y sont réunies, et que je m'offrais pour leur servir de guide dans Salerne. Sir Taylor accepta cette offre que je n'eusse pas osé faire, et Sir William Scombe nous rejoignit bientôt, tout étonné de rencontrer un cicérone qu'il n'aurait sans doute pas choisi. Je bravais sa mauvaise humeur, et je m'avançais dans les bonnes grâces du père, tandis que je ne négligeais pas de me recommander davantage à la bienveillance de la fille. Je devins le commensal de cette famille anglaise, et secondé que j'étais par Jenny, je n'eus pas de peine à retenir Sir Taylor à Salerne, en faisant rayonner ses excursions alentour, à Pestum, à Castellammare, à Sorrente. Les jours s'écoulaient comme les grains de sable d'un sablier, jours de bonheur et d'enchantement que je ne devais pas retrouver. J'aimais avec toute l'exaltation d'un cœur italien. J'étais aimé avec toute l'opiniâtreté d'une jeune tête anglaise. Oui, monsieur, j'étais aimé, et je n'en puis douter puisqu'on m'en fit l'aveu, puisqu'on mit entre mes mains une destinée qui m'était plus chère que la mienne. Mais quel parti avions-nous à prendre? Sir Taylor, dans aucun cas, ne pouvait consentir à une union que la naissance et la fortune avaient faite si disproportionnée. D'ailleurs, Sir William Scombe avait sa promesse. Ce fut Jenny qui me proposa de l'enlever, ce fut elle qui me l'ordonna. Plût à Dieu que j'eusse persisté dans mes refus. Elle vivrait, du moins, si je ne la possédais pas. Les préparatifs de l'enlèvement étant faits avec célérité, je l'exécutai la nuit qui précédait le départ de Sir Taylor pour Rome, où je n'aurais pu le suivre. Jenny et moi nous sortîmes de Salerne, à cheval et déguisés. La Vierge des Normands ne me protégeait plus. Sir Combe, à qui la jalousie avait dévoilé ma passion pour Jenny et qui nous épiait sans cesse, découvrit notre fuite une heure après notre sortie de Salerne, et aussitôt il nous poursuivit avec Sir Taylor, qui n'aurait jamais soupçonné que je puisse devenir le ravisseur de sa fille. Ce fut justement cette nuit-là qu'éclata la grande éruption du Vésuve, que l'on compare au plus épouvantable dont l'histoire fasse mention. Je crois vous avoir dit que ceci se passait en 1819. Voyez, ces immenses champs de lave, qui s'étendent là-bas à notre droite, furent formés alors à la place des vignes qui couvraient le pied de la montagne, et cette lave coulait enflammée comme celle qui coule maintenant. Le Vésuve, ce me semble, était plus menaçant, plus furieux qu'aujourd'hui. Tous les villages des environs avaient été abandonnés par leurs habitants, et en arrivant à Resina, nous ne trouvâmes pas seulement un coricolo pour nous conduire jusqu'à Naples. Jenny était incapable de continuer la route à cheval. De plus, la terreur que lui inspirait l'éruption ne me permit pas de presser notre fuite. Un homme qui l'avait favorisé et qui avait été largement payé nous atteignit avant que nous eussions quitté Resina et nous apprit que Sir Taylor et Sir Combe étaient sur nos traces. Cette nouvelle redonna de la force à Jenny qui voulait repartir sur le champ. J'eus la fatale idée de laisser la grande route et de m'engager dans la montagne, où personne sans doute ne songerait à nous aller chercher. Je me proposais par là de dérouter la poursuite et de faire passer en avant ceux qui ne pouvaient faire autrement que de nous rencontrer en restant derrière nous. Jenny s'en remit absolument à ma décision et marcha courageusement avec moi à travers les obstacles et les périls qui s'augmentaient à chaque pas. Mais Sir Taylor et Sir Combe ne nous devancèrent pas comme je l'espérais. Ils furent informés du chemin que nous avions pris pour leur échapper, et nous ne tardâmes pas à les voir gravissant le même sentier à 50 pas de nous, avec des cris qui ôtèrent à Jenny la force de pousser plus avant. « Nous sommes perdus !» me dit-elle. Je l'enlevai dans mes bras, et je m'efforçai de la porter en courant. Mais je ne courais point assez vite, et je fléchissais sous mon fardeau. Jenny était évanouie. Soudain, je vis la lave qui m'allait barrer le passage. S'arrêter un moment, c'était se livrer, car l'intervalle qui me séparait de Sir Taylor diminuait à chaque instant. Je n'attendis pas que la retraite me fût fermée, et j'eus le bonheur de traverser sain et sauf le front de la colonne de lave. Épuisé de lassitude, je m'arrêtai et tournai la tête. Les deux hommes qui me suivaient de près n'avaient pas hésité à passer outre. Le premier était parvenu sans accident de l'autre côté des laves. Mais l'autre avait fait un faux pas et les laves l'engloutirent. Je n'en vis pas davantage, car une grêle de pierre m'enveloppa. Jenny fut atteinte dans mes bras et me couvrit de son sang. Je fus atteint mon tour, et j'ignore ce qui arriva pendant mon long évanouissement. Quand je repris mes sens, j'étais dans cette maison où l'ermite m'avait transporté. Je faillis mourir de ma blessure et aussi du désespoir que je ressentais à l'idée d'être séparé de Jenny, car je n'imaginais pas encore que sa perte fût définitive. J'eus beau faire des recherches dans les environs, dès que je pus me traîner hors de mon lit, je ne pus rien découvrir. On me dit seulement qu'un Anglais avait péri dans les laves, où la silhouette de son corps carbonisé apparaissait encore, et qu'une jeune dame avait été tuée sous les pierres que le montrait teintes de sang. Je ne voulus plus quitter les lieux où Jenny était morte, où elle avait peut-être son tombeau, et je m'installai auprès de l'ermite qui me céda bientôt la place en sortant de ce monde. Hélas, monsieur, j'aurais dû mourir plutôt que lui, puisque Jenny n'est plus et que je suis seul sur la terre. Cette longue narration m'avait tenu constamment attentif, et mes yeux se mouillèrent plus d'une fois, surtout lorsque Lutoli me désignait de la main la place où il était tombé sans connaissance et comme mort avec Jenny évanouie. Par intervalle, sa raison s'égarait, et il s'imaginait l'apercevoir encore au milieu des laves ardentes. Les circonstances de l'événement, le nom de Salerne, la date de l'éruption du Vésuve, avaient évoqué dans ma mémoire des souvenirs et des espérances que je me gardais bien de communiquer à ce malheureux amant. Je lui dis seulement que j'étais venu à Naples et à Salerne dans l'année 1820, et que j'avais entendu comme un écho de sa lamentable histoire. Il me dit qu'on le croyait mort dans sa famille et parmi ses amis. Il me supplie donc de ne jamais trahir son incognito, car il s'était juré à lui-même de mourir auprès de l'endroit où il avait perdu celle qu'il aimait encore, comme si elle eût vécu. J'arrêtai à part moi un projet que je ne lui laissais pas soupçonner, et je lui annonçai tout à coup que des affaires impérieuses me rappelaient à Naples, que je partirais la nuit même, si tous les chemins n'étaient pas interceptés par les laves, et que je ferais la route à pied dans le cas où je ne trouverais pas un cheval à Résina. Il essaya d'abord de me retenir, mais quand il vit que j'étais bien décidé à partir, il se contenta de ma promesse de revenir bientôt, et m'offrit même pour monture un mulet qui était dans l'écurie de l'Ermitage. Puis il me conduisit, non sans difficulté, à travers d'étroits sentiers qu'il connaissait et qui ne me mirent pas une seule fois en présence des laves. Quand nous arrivâmes à Résina, le jour commençait à poindre. Il m'embrassa et me fit de nouveau promettre de ne pas quitter l'Italie sans le revoir. « Priez Dieu et votre Madone de Salerne, lui dis-je avec un heureux pressentiment, pour que je revienne bientôt. » Je feignis de prendre la route de Naples, mais dès que je jugeai que l'ermite était éloigné, je rebroussai chemin et fis trotter mon mulet dans la direction de Salerne. J'eus à passer sous la pluie de pierres que le volcan continuait à vomir et je fus pourtant épargné. Le Tolly n'était pas là pour apporter l'honneur de ce miracle à la Vierge des Normands. Je traversai plusieurs villages qui avaient beaucoup souffert de l'éruption et qui étaient abandonnés. Enfin, je pus presser le trot de ma monture et ne plus craindre les projectiles du volcan. Les lieues sont longues en Italie. La chaleur était accablante. La pauvre bête que l'ermite m'avait confiée jeûnait depuis 24 heures. Je n'arrivai à Salerne qu'après midi. Je mis pied à terre à l'auberge pour faire donner au mulet toute l'avoine qu'il pouvait désirer, et je courus au dôme, tremblant d'espoir et d'inquiétude. Je demandai en entrant à une vieille femme si la folle vivait toujours et si je la rencontrerais dans l'église à sa place accoutumée. « C'est une sainte, » me répond la vieille. « Elle fait des miracles. Elle guérit les malades. Elle s'est canonisée après sa mort. » Je ne répondis pas à ce panégyrique. Je ne me dis même pas tout bas que cette sainte était une protestante, et je pénétrai, marchant avec précaution sur les mosaïques antiques qui forment le pavé du dôme, dans les bas-côtés où règne une longue suite de tombeaux gothiques avec les statues couchées des chevaliers normands, compagnons d'armes de Robert Guiscard. Je me glissai jusqu'à la chapelle de la Madone, qui est en si grande vénération à Salerne et dans tout le royaume de Naples. Mon cœur battit de joie quand je vis une sorte de religieuse, vêtue de noir, agenouillée dans un coin. Elle priait, ou plutôt, elle pensait. Je m'approchai doucement. Elle était trop absorbée dans sa méditation pour entendre mes pas. Elle n'eût pas entendu davantage ma voix si je n'eusse prononcé son nom qui retentit comme un son de cloche funèbre à son oreille. « Sœur Taylor n'est-il point avec vous à Salerne ?» lui dis-je en me penchant vers elle et en reculant presque à l'éclair que ses yeux, ordinairement voilés et éteints, me lancèrent quand elle se releva d'un mouvement galvanique. « Il est mort à Londres, » répondit-elle sourdement. « Mort comme lui, » répéta-t-elle en joignant les mains. « Et Sir William Scombe ?» repris-je d'un ton grave et solennel. « Mort aussi, » dit-elle froidement. « Je l'ai vu brûler en charbon dans la lave. »« Et qui donc êtes-vous, monsieur ?»« Lady Taylor, voulez-vous me suivre ?» répondis-je avec une intonation d'autorité qui agit sur elle. « Souvenez-vous de Lutoli, et venez !» Elle fit un geste de surprise et resta frappée de stupeur. Puis, elle inclina la tête sur sa poitrine et me suivit en silence. J'avais appréhendé des larmes, des cris, des interrogations qui eussent peut-être entravé mon dessein. Je fus très satisfait de la tournure que prenaient les choses, mais j'oubliai d'en remercier la Vierge des Normands. Je voulus louer une voiture, je manquais d'argent, et je ne trouvai d'ailleurs personne qui consentît à m'accompagner jusqu'au Vésuve. Le mulet de l'ermite était un peu refait par les picotins d'avoine qu'on ne lui avait pas épargnés, mais il n'était pas de force à me porter avec ma compagne de route. Je me résignai donc à l'escorter pédestrement, et quand j'eus fait monter sur la selle l'infortunée Jenny, qui m'obéissait sans m'adresser une seule objection, je pris la bride et m'acheminai en avant. Peu s'en fallut que le départ de la folle du dôme ne fût le prétexte d'une émeute populaire. On nous entoura, on me questionna, on me menaça. Je répondis à tout avec calme et même avec une présence d'esprit que me donnait la difficulté de la situation. Je dis tout haut à la foule que j'étais l'oncle de Jenny Taylor, et que je devais la conduire à sa famille, que l'éruption du Vésuve retenait à Naples. Je dis tout bas à la jeune fille que j'étais venu vers elle au nom de Lutoli. Elle me comprit, ou du moins, elle trouva bon de suivre quelqu'un qui lui parlait de l'homme qu'elle aimait. sans espérer de le revoir ailleurs que dans le ciel. « C'est Dieu qui me mène, » dit-elle alors en ouvrant la bouche pour la première fois. « Laissez-moi accomplir ma destinée. » La populace s'écarta respectueusement et lui livra passage en la bénissant comme une sainte. Je sortis de sa lerne une heure avant le coucher du soleil. Jenny ne m'adressa pas la parole, mais elle avait les yeux fixes, comme si elle s'attendait à rencontrer un objet désiré. Je me bornai à lui tenir des discours vagues, en l'invitant à la résignation et à la confiance en Dieu. C'étaient des espèces de sermons doux et mélancoliques qui la préparaient à quelque chose d'extraordinaire. Mais quand elle distingua dans le ciel la lueur du Vésuve qui flamboyait de loin comme une vaste torche, quand elle entendit les roulements des tonnerres souterrains qui se prolongeaient sous nos pieds, elle fut en proie à une grande agitation, et ses souvenirs se ravivèrent de telle sorte qu'elle se reportait en idée à 4 années en arrière. Elle ne m'interrogea pourtant pas, et elle ne fit que jeter des mots entrecoupés qui m'initiaient aux sensations de son âme. « On nous poursuit, » dit-elle, croyant encore échapper à son père et à son fiancé. « Vite, hâtons-nous, ils ne nous atteindront pas. » Il était minuit environ quand nous gravîmes les sentiers pierreux que l'ermite m'avait indiqués et que j'eus l'instinct de reconnaître la clarté des laves et des flammes du cratère. Jenny Taylor était si vivement impressionnée que je me repentis presque de mon expédition et que je fus sur le point d'en changer le plan. J'aurais voulu m'arrêter dans quelques gîtes et là préparer la jeune Anglaise à revoir son amant. Mais nous avions dépassé toutes les habitations et d'ailleurs, je n'eus certainement pas trouvé une porte ouverte, ni un feu allumé, ni les soins qui étaient nécessaires à cette pauvre femme. Elle refusa obstinément de retourner sur nos pas, et le mulet l'encouragea sans doute dans cette obstination qu'il partageait. Il l'approchait de l'ermitage et sentait l'écurie. Ses grelots avaient annoncé son retour à l'ermite, qui venait à notre rencontre. Les amoureux ont des pressentiments qui tiennent à la divination. Je le vis accourant, les bras étendus. Jenny s'était déjà jetée à terre et s'élançait vers lui. Dans ce moment, le cratère lança des gerbes de feu qui illuminèrent le versant de la montagne et je passai rapidement près d'un lac de lave embrasée. Jenny et l'ermite étaient au bord de cette lave, dans les bras l'un de l'autre. « Lutoli !» s'écria l'Anglaise. « Est-ce bien vous ? Est-ce bien moi ? Vivons-nous ? Et Sir William s'est-il mort ? Oh, la lave, le volcan !» Je les entraînai tous deux vers l'ermitage, loin du danger qu'ils ne voyaient pas, sans qu'ils cessassent de se tenir embrassés. La folle de Salerne avait recouvré la raison. Paul Jacob, bibliophile.